Chapitre 4. L'ambassadeur. Le lendemain, vers le soir, une chaise de voyage arrivait par la barrière d'enfer, assez poudreuse, assez éclaboussée pour que nul ne pût distinguer les armoiries. Les quatre chevaux qui la menaient brûlaient le pavé. Les postillons, comme on dit, allaient un train de prince. La chaise s'arrêta devant un hôtel d'assez belle apparence, dans la rue de la Jussienne. Sur la porte même de cet hôtel, deux hommes attendaient. L'un, d'une mise assez recherchée pour annoncer la cérémonie, l'autre, dans une sorte de livrée banale, comme on en eut de tout temps les officiers publics des différentes administrations parisiennes. Autrement dit, ce dernier ressemblait à un Suisse en costume d'apparat. La chaise pénétra dans l'hôtel, dont les portes furent aussitôt fermées au nez de plusieurs curieux. L'homme aux habits de cérémonie s'approcha très respectueusement de la portière, et d'une voix un peu chevrotante, il entama une harangue en langue portugaise. « Qui êtes-vous ? » répondit de l'intérieur une voix brusque, en portugais également, seulement cette voix parlait un excellent portugais. « Le chancelier indigne de l'ambassade, Excellence. Fort bien. »« Comme vous parlez mal notre langue, mon cher chancelier. Voyons, où descend-on ? Par ici, monseigneur, par ici. » « Triste réception, » dit le seigneur Don Manuel, qui faisait le gros dos en s'appuyant sur son valet de chambre et sur son secrétaire. « Votre Excellence daignera me pardonner, » dit le chancelier dans son mauvais langage. « Ce n'est qu'à 2 heures aujourd'hui qu'est descendu à l'ambassade le courrier de son Excellence pour annoncer votre arrivée. J'étais absent, monseigneur, absent pour les affaires de la légation. Aussitôt mon retour, j'ai trouvé la lettre de votre Excellence. Je n'ai eu que le temps de faire ouvrir les appartements, on les éclaire. « Bon, bon. Ah, ce m'est une vive joie de voir l'illustre personne de notre nouvel ambassadeur. Chut, ne divulguons rien jusqu'à ce que des ordres nouveaux soient venus de Lisbonne. Veuillez seulement, monsieur, me faire conduire à ma chambre à coucher. Je tombe de fatigue. Vous vous entendrez avec mon secrétaire, il vous transmettra mes ordres. » Le chancelier s'inclina respectueusement devant Beausire, qui rendit un salut affectueux et dit d'un air courtoisement ironique, « Parlez français, cher monsieur, cela vous mettra plus à l'aise, et moi aussi. »« Oui, oui, » murmura le chancelier, « je serai plus à l'aise, car je vous avouerai, monsieur le secrétaire, que ma prononciation... »« Je le vois bien, » répliqua Beausire avec aplomb. « Je profiterai de cette occasion, monsieur le secrétaire, puisque je vous trouve un homme si aimable, » se hâta de dire le chancelier avec effusion, « je profiterai, dis-je, de l'occasion pour vous demander... si vous croyez que monsieur de Souza ne m'en voudra pas d'écorcher ainsi le portugais. Pas du tout, pas du tout, si vous parlez le français purement. Moi, dit le chancelier joyeusement, moi, un parisien de la rue Saint-Honoré. Eh bien, c'est à ravir, dit Beausire. Comment vous nomme-t-on ? Ducourneau, je crois. Ducourneau, oui, monsieur le secrétaire. Nom assez heureux, car il a une terminaison espagnole, si l'on veut. Monsieur le secrétaire savait mon nom, c'est bien flatteur pour moi. « Oui, vous êtes bien noté là-bas, si bien noté que cette bonne réputation nous a empêché d'amener un chancelier de Lisbonne. »« Oh, que de reconnaissance, monsieur le secrétaire, et quelle heureuse chance pour moi que la nomination de monsieur de Souza. »« Mais monsieur l'ambassadeur sonne, je crois. »« Courons. » On courut en effet. Monsieur l'ambassadeur, grâce aux ailes de son valet de chambre, venait de se déshabiller. Il avait revêtu une magnifique robe de chambre. Un barbier, appelé à la hâte, l'accommodait. Quelques boîtes et nécessaires de voyage, assez riches en apparence, garnissaient les tables et les consoles. Un grand feu flambait dans la cheminée. « Entrez, entrez, monsieur le chancelier, » dit l'ambassadeur, qui venait de s'ensevelir dans un immense fauteuil à coussins tout en travers du feu. « Monsieur l'ambassadeur, se fâchera-t-il si je lui réponds en français ?» dit le chancelier tout bas à Beausire. « Non, non, allez toujours. » Ducourneau fit son compliment en français. « Eh, mais c'est fort commode. Vous parlez admirablement le français, monsieur Ducourneau. »« Il ne me prend pour un portugais, » pensa le chevalier, ivre de joie, et il serra la main de Beausire. « Ça, » dit Manuel, « pourra-t-on souper ?»« Certes, oui, votre Excellence. Oui, le palais royal est à 2 pas d'ici, et je connais un traiteur excellent qui apportera un bon souper pour votre Excellence. »« Comme si c'était pour vous, monsieur Ducourneau. » »« Oui, monsieur. » Et moi, si son Excellence le permettait, je prendrais la permission d'offrir quelques bouteilles d'un vin du pays, comme votre Excellence ne l'aura trouvé qu'à Porto-même. Et notre chancelier a donc bonne cave, dit Beausire gaillardement. C'est mon seul luxe, répliqua humblement le brave homme. dont pour la première fois aux bougies, Bossir et Don Manuel purent remarquer les yeux vifs, les grosses joues rondes et le nez fleuri. « Faites comme il vous plaira, monsieur Ducorneau, » dit l'ambassadeur. « Apportez-nous de votre vin et venez souper avec nous. » Un pareil honneur. « Sans étiquette. Aujourd'hui, je suis encore un voyageur. Je ne serai l'ambassadeur que demain. Et puis nous parlerons affaires. » « Oh, mais monseigneur permettra que je donne un coup d'œil à ma toilette. »« Vous êtes superbe, » dit Bossir. « Toilette de réception, non de gala, » dit Ducorneau. « Demeurez comme vous êtes, monsieur le chancelier, et donnez à nos préparatifs le temps que vous donneriez à prendre l'habit de gala. » Ducorneau, ravi, quitta l'ambassadeur et se mit à courir pour gagner 10 minutes à l'appétit de son excellence. Pendant ce temps, les trois coquins, enfermés dans la chambre à coucher, passaient en revue le mobilier et les actes de leur nouveau pouvoir. « Couche-t-il à l'hôtel, ce chancelier ?» dit Don Manuel. « Non pas. Le drôle a une bonne cave et doit avoir quelque part une jolie femme ou une grisette. C'est un vieux garçon. Le Suisse, il faudra bien s'en débarrasser. Je m'en charge. Les autres valets de l'hôtel, valets de louage que nos associés remplaceront demain. Que dit la cuisine? Que dit l'office? Mort, mort. L'ancien ambassadeur ne paraissait jamais à l'hôtel. Il avait sa maison en ville. Que dit la caisse? Pour la caisse, il faut consulter le chancelier. C'est délicat. Je m'en charge, dit Bossir. Nous sommes déjà les meilleurs amis du monde. Chut, le voici. En effet, Ducorneau revenait essoufflé. Il avait prévenu le traiteur de la rue des Bons Enfants, pris dans son cabinet 6 bouteilles d'une mine respectable, et sa figure réjouie annonçait toutes les bonnes dispositions que ces soleils, la nature et la diplomatie savent combiner pour dorer ce que les cyniques appellent la façade humaine. « Votre Excellence, dit-il, ne descendra pas dans la salle à manger ?» « Non pas, non pas. Nous mangerons dans la chambre, entre nous, près du feu. »« Monseigneur me ravit de joie. Voici le vin. »« Des topazes, » dit Bossir en élevant des flacons à la hauteur d'une bougie. « Asseyez-vous, monsieur le chancelier, pendant que mon valet de chambre dressera le couvert. » Ducorneau s'assit. « Quels jours sont arrivées les dernières dépêches ?» dit l'ambassadeur. « La veille du départ de votre... du prédécesseur de votre Excellence. »« Bien. La légation est en bon état. » Oh « Oui, monseigneur. Pas de mauvaises affaires d'argent, pas que je sache. Pas de dettes. Oh, dites, s'il y en avait, nous commencerions par payer. Mon prédécesseur est un galant gentilhomme pour qui je me porte garant solidaire. » « Dieu merci, monseigneur n'en aura pas besoin. Les crédits ont été ordonnancés il y a 3 semaines, et le lendemain même du départ de l'ex-ambassadeur, 100 000 livres arrivaient ici. »« 100 000 livres ? » s'écrièrent la fois Bossir et Don Manuel, effarés de joie. « En or, » dit le chancelier. « En or, » répétèrent l'ambassadeur, le secrétaire et jusqu'au valet de chambre. « De sorte, » dit Bossir, en avalant son émotion, « que la caisse renferme 100 328 livres, monsieur le secrétaire. »« C'est peu, » dit froidement Don Manuel. « Mais sa majesté, heureusement, a mis des fonds à notre disposition. Je vous l'avais bien dit, mon cher, » ajouta-t-il en s'adressant à Bossir, « que nous manquerions à Paris. » Hormis ce point, que votre Excellence avait pris ses précautions, répliqua respectueusement Bossir. À partir de cette communication importante du chancelier, l'hilarité de l'ambassade ne fit que s'accroître. Un bon souper, composé d'un saumon, d'écrevisses énormes, de viande froide et de crème, n'augmenta pas médiocrement cette verve des seigneurs portugais. Ducorneau, mis à l'aise, mangea comme 10 grands d'Espagne et montra à ses supérieurs comme quoi un parisien de la rue Saint-Honoré traitait les vins de Porto et de Xérès en vins de Brie et de Tonnerre. Monsieur Ducorneau bénissait encore le ciel de lui avoir envoyé un ambassadeur qui préférait la langue française à la langue portugaise et les vins portugais aux vins de France. Il nageait dans cette délicieuse béatitude que fait au cerveau l'estomac satisfait et reconnaissant lorsque Monsieur de Souza, l'interpellant, lui demanda de s'aller coucher. Ducorneau se leva, et dans une révérence épineuse qui accrochait autant de meubles qu'une branche d'églantier accroche de feuilles dans un taillis, le chancelier gagnait la porte de la rue. Bossir et Don Manuel n'avaient pas assez fêté le vin de l'ambassade pour succomber sur le champ au sommeil. D'ailleurs, il fallait que le valet de chambre soupât à son tour après ses maîtres, opération que le commandeur accomplit minutieusement, d'après les précédents tracés par l'ambassadeur et son secrétaire. Tout le plan du lendemain se trouva dressé. Les trois associés poussèrent une reconnaissance dans l'hôtel après s'être assurés que le Suisse dormait.